dirigé par le maître Dizzy. Yeah! Susanna Koulibaly, Susanna Koulibaly. Demain c'est la fin du mois. Demain je donne toi l'argent. Moi je donne toi l'argent pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand je donne toi, tu donnes à Moussa. Regarde-moi à faire. Susanna n'a pas confiance. Ah Susanna. Demain c'est la fin du mois. Demain je donne toi l'argent. Moi je donne toi l'argent pour payer ton loyer, pour acheter les bijoux, pour acheter les panneaux. Mais quand je donne toi, tu donnes à Moussa. Regardez-moi faire. Susanna n'a pas confiance. Thank you. Suzanne. Suzanne.